d'une lutte à l'autre et que les choses se répètent. En tout cas, personnellement, je vais souvent parler, en fait, tout ce que je vais dire, c'est très subjectif, en fait. C'est mon vécu personnel et mon interprétation personnelle qui est sujet de... Voilà, je peux me tromper aussi. Et qu'en répétant les choses très souvent de la même façon, on répète les mêmes erreurs et on s'étonne pourquoi, tout le monde s'étonne pourquoi on recule en fait. Tout recule puisque les politiques menées sur ces questions-là sont encore plus répressives que les récits qu'on a entendus de fin des années 90. Fin des années 90 et maintenant, on est encore dans des situations beaucoup plus problématiques et encore beaucoup plus... Si en 98, 99, les gens, c'était révoltant, je ne sais pas comment on peut qualifier ce qui se passe maintenant et ce qui est voté par nos institutions soi-disant démocratiques. Pour parler de l'ambassade, en fait, l'ambassade est liée d'abord à l'église du Béguinage, en fait, au mouvement d'occupation des églises qui a été initié par l'associatif, un regroupement d'associatifs institutionnels belges suite à l'assassinat de Semira Adamo. L'associatif belge s'est regroupé dans une plateforme qui était gérée et coordonnée plus par le CIRE. Et ce qu'ils ont fait, en fait, était assez simple. Ils ont calqué l'exemple français. En France, il y avait un mouvement d'occupation de France en 96, je crois. Ils ont calqué cet exemple-là et ils l'ont prévu. C'était un peu partout en Belgique, dans plusieurs villes en Belgique. Mais c'était prévu pour une période, une courte période. Ça a commencé en octobre. Et le mot d'ordre qui... Moi, j'ai intégré l'église du Béguinage début décembre. Donc, je n'étais pas au début. Ça m'a pris pas mal de temps pour comprendre où je suis et les jeux, comment il était mené de part et d'autre. Mi-décembre, nos porte-paroles viennent nous dire, voilà, il y aura une grosse messe de Noël et après, on doit quitter les portes. Tout le monde doit rentrer chez lui et les porte-paroles vont continuer un travail avec l'associatif, un travail de lobbying et on vous contactera quand on voudrait organiser l'un ou l'autre événement. Et au Béguinage, en fait, une partie des occupants ont décidé dans une assemblée juste après cette annonce-là de continuer l'occupation. La seule garantie pour ce groupe-là, c'était de continuer l'occupation pour continuer à agir et bouger cette option-là qui a été soufflée par l'associatif et le politique qui est derrière. Une partie des occupants ne l'a pas accepté. Une partie est partie, passant rentrer chez eux, surtout des familles. Au début, il y avait pas mal de familles congolaises avec des enfants. Ils sont rentrés chez eux. Ils avaient déjà, la plupart étaient des demandeurs d'asile en procédure. Ils avaient déjà des plans, ils avaient où dormir. Et la plupart des autres n'avaient pas d'autres alternatives, entre autres. Et donc, l'église, il y avait une occupation qui a continué à l'église du Béguinage, mais sans aucune ressource. Les premiers mois, quand c'était couvert par l'associatif, il y avait une logistique assez importante, beaucoup de dons, deux repas chauds par jour, servis par le CPS de Bruxelles. Et après le 25 décembre, tous les robinets ont été fermés. Et donc, un groupe assez important de sans-papiers a dû rester dans cette église pendant presque 2 ans, dans une situation assez pénible. Et puis, ce groupe a dû être évacué de cette église suite à un feu bizarroïde. Assez bizarroïde, c'est pas clair. Et donc, le CPS, toujours de Bruxelles, qui vient, Ivan Mayer en personne, qui vient faire des propositions de relogement individuel, ce que le groupe a refusé. Le groupe voulait rester ensemble. La plupart avaient déjà introduit une demande de régularisation, mais la conscience a, comment dire, ce groupe-là, ce qu'il a vécu ensemble dans ce lieu-là, dans cette église-là, a fait quand même, allez, c'est un des points les plus positifs, surtout pour des gens voilà, qui n'ont jamais eu d'expérience, de lutte ou quoi que ce soit dans leur vie. Voilà, la conscience du groupe comment dire, a évolué dans ce sens. On veut rester en groupe, rien n'est acquis jusqu'au moment où on a ce qu'on veut, donc être régularisé. Et ce groupe a tourné un peu à gauche et à droite jusqu'au moment où il y avait une opportunité d'occuper une ancienne ambassade qui était abandonnée suite à la guerre civile en Somalie. Et il n'y a plus d'État, donc c'était une situation un peu unique et une situation. Voilà, ce groupe de sans-papiers arrive dans ces lieux-là, mais tout ça, c'était avec l'aide d'un groupe de gens qui se sont un petit peu attachés à ce groupe-là vers la fin les derniers mois de l'église du Béguinage. Et des gens, je dirais, voilà, plus des artistes qui ont une approche artistique et qui sont approchés aux sans-papiers d'abord par ce biais-là. Et la relation s'est développée, une relation de confiance et d'aide s'est développée. Et avec ces gens-là, ce groupe a pu ouvrir ce lieu-là et s'installer. Et puis, après l'installation, et quelques mois de répit, il fallait faire quelques travaux nécessaires et aussi se reposer, en fait. Se reposer, reprendre un peu ses forces. Une dynamique a commencé à s'installer tout doucement, un début d'organisation, mais toujours avec, comment dire, avec toutes les leçons en fait, tirées de ces 2 ans dans cette église, qui n'était pas simple du tout. Hein. Il y avait des moments très problématiques, et des moments un concentré de tension incroyable, mais vraiment incroyable, avec des. Des fois, ça peut aller loin avec des bagarres à couteau, et les ambulances et les flics. Et voilà, plein d'histoires qui ne sont pas vraiment drôles. Donc il faut imaginer en fait vivre dans ces conditions-là pendant une si longue période. C'est pas évident c'est pas évident en tout cas. Et donc, le projet, allez, de l'ambassade universelle commence à émerger tout doucement, en fait, je dirais d'une façon naturelle. Pour moi, en tout cas, sa force, c'est quoi? C'est parce que ça répond d'abord à une nécessité. À une nécessité, voilà, un groupe de gens cherche à se loger. Et à se loger ensemble, et pas individuellement. Ce qu'ils ont déjà eu et ce qu'ils ont refusé. Et puis, la dynamique, en fait, n'était pas soufflée. Elle est venue d'une façon naturelle. Il fallait organiser la vie commune. Ce n'était pas évident au début, mais avec le temps, voilà, il fallait organiser la vie commune. Il y a des choses à organiser, la cuisine, le nettoyage. Et puis tout doucement, on a osé faire une première activité avec beaucoup de stress, avec tout l'arrière et tout ce qu'on a vécu à l'église du Béguinage. Moi, en tout cas, je tremblais, en fait, je stressais fort. Et ça s'est très bien passé la première fois, voilà. Et puis, après ce premier risque, on est passé tout doucement à d'autres activités. Telles, voilà, on a pu faire pas mal de choses, je crois, qui pourront s'intégrer dans ce travail-là de récolte de tel un journal. On a produit, je crois, 4 ou 5 numéros d'un journal, 4 pages. Et dans les dynamiques avec d'autres groupes de soutien, d'autres collectifs, il y avait aussi pas mal de choses produites au niveau du texte. Et aussi au niveau d'action et même je dirais, il y avait des choses qu'on n'avait jamais réfléchi. En fait, on s'est retrouvé à monter avec d'autres personnes un cabaret, par exemple, ce qui faisait aussi allez, ce qui faisait partie aussi d'une dynamique interne dont on avait besoin, qui nous a fait beaucoup de bien au titre personnel. Ben, individuel et aussi, comment dire, au groupe. Ben, j'essaye un peu de ne pas. Ben, il y a beaucoup de choses à dire, mais j'essaye d'aller vers l'essentiel. Cette expérience-là a duré depuis 2001, janvier 2001, et vers la fin 2005, la dynamique collectif, je dirais, entre les gens, les occupants de l'ombre, ceux qui, les sans-papiers qui vivent dans la maison, et ce qu'on appelait à l'époque les bénévoles, donc les groupes de gens qui ne sont pas sans-papiers et qui s'impliquent dans ce projet-là, s'est arrêté. Après une crise de quelques mois, et cette crise, une vraie crise, on s'est engueulé, parce qu'on n'était pas d'accord sur pas mal de choses, et on a décidé collectivement d'arrêter une partie du projet où les bénévoles étaient impliqués, qui était une ASBL qui couvrait le projet où il y avait entre autres un compte bancaire et l'ASBL qui était voilà une couverture entre guillemets d'ordre juridique. On a essayé de faire entre nous un bilan pour comprendre pourquoi on est arrivé à ce point-là, pourquoi le projet s'est cassé la gueule. On n'a pas pu aller loin dans ce travail de bilan. La seule chose qui était partagée, ce qui n'est pas suffisant en tout cas pour moi, comme bilan, c'est qu'on était trop fatigué, on était trop dans le projet, on s'est épuisé dans ce projet jusqu'à un point où, voilà. C'est le résultat incontournable, c'est qu'on va se manger entre nous. En fait, on va s'affronter sur des... C'était pas... Voilà. C'est la fatigue générale, en fait, des personnes. Mais c'est pas suffisant. Le point central, quand même, de cette étape, c'est que, en fait, les gens qui étaient dans l'ambassade étaient des gens qui avaient rentré un dossier de demande de régularisation. J'allais expliquer ça, en fait. Et en fait, oui. Donc, il y a la fatigue, mais il y a aussi le fait que les gens commençaient à être régularisés, et ceux qui étaient... qui avaient été remplacés, qui étaient partis, ils n'avaient pas d'autre solution de logement. Et donc, il y a eu un clash. Là. Ça, c'est un point. Mais à mon avis, ce n'est pas le seul. Mais bon, c'est pas ça. Ça, c'est un point, en fait, le point crucial autour duquel le conflit interne a émergé, c'est que la frustration d'une bonne partie des bénévoles, y compris moi, en fait, parce que voilà, j'avais une situation un peu particulière. J'étais sans papier, puis après, j'ai eu mes papiers. Je ne sais plus à quelle position. Même maintenant, je ne sais pas. Ça se mélange dans ma tête de quelle position je parle, de sans-papiers, de soutien aux sans-papiers. Une des fonctions de la maison qu'on avait définie depuis le départ, c'était l'accueil d'urgence. Et cette fonction était, comment dire, très, très, très importante, je dirais élémentaire et centrale. Le fait qu'il y a du roulement, ça rendait la maison vivante et le projet vivant on avait un espace pour l'hébergement d'urgence et on avait beaucoup de demandes en fait, même des institutions, des centres d'accueil, des assistants sociaux qui nous téléphonent, est-ce que vous pouvez héberger quelqu'un, sinon les flics vont venir le chercher pour l'expulser, des situations dramatiques, des gens qui se retrouvent dans la rue. Le jour où on a accepté qu'une famille prenne cet espace-là, parce qu'ils étaient quasiment dans la rue, on s'est retrouvé en fait devant la situation que l'accueil d'urgence, on ne sait plus répondre à l'accueil d'urgence qui était un des piliers du projet. Ça, c'est ce qui nous a amené à ce conflit interne entre nous. Mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres éléments. À mon avis, en tout cas, qui ont contribué à, entre autres, la fatigue, le fait d'être trop dans le projet, et dans voilà. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais encore dire. Et les gens ont continué. En fait, l'ASBL a été dissoute. Le groupe a continué à vivre dans cette maison plusieurs années après. Ils se sont pris eux-mêmes en charge et ils ont vécu jusqu'à il n'y a pas longtemps, jusqu'à moins d'une année ou un an, un ambassadeur a été accrédité somalien, bizarrement en fait, parce que la Somalie, c'est pas encore. La situation en Somalie est loin d'être pacifiée. Voilà, en tout cas, la Belgique, l'Union européenne a reconnu, a accrédité un ambassadeur et qui a fait les démarches pour reprendre la maison, l'immeuble. Et il l'a repris, et les personnes qui sont restées, le dernier groupe, s'est retrouvé dans un lieu qui appartient au CPS de Bruxelles, à la ville de Bruxelles, dans les Marolles. Mais sous un, c'est un truc, ils doivent quitter la maison à 8h du matin et ils peuvent rentrer à partir de 5h30. Un truc pareil. C'est un truc, c'est un lieu, je dirais, supervisé. Voilà, en gros, je ne sais pas ce que je pourrais dire par rapport à l'ambassade universelle, mais le lien avec le sujet, en fait, ce que vous demandez comme voilà les grandes lignes de ce qui est de ce qui nous rassemble ce soir, cet après-midi. Sur, je peux dire quelque chose aussi sur le lien qu'on avait. Hein. Je reviens à la, en tant que sans-papier, en fait. Le lien qu'on avait avec les collectifs de soutien. J'aurais, le temps ne permet pas d'en parler longuement, mais ça varie en fait. On avait des liens, en tout cas à l'église du Béguinage à l'époque, on avait des liens avec le collectif contre les expulsions. On allait, on était un groupe, on allait souvent au centre social, rue de la Victoire surtout. Il y avait et plusieurs personnes du collectif. Était présent souvent avec nous en fait à l'église et aux activités qu'on faisait à l'époque. Et je voudrais témoigner de quelque chose en fait qui me, comment dire, c'est un témoignage personnel. La structure, tout mon parcours en fait sur ces questions-là, je trouve personnellement que voilà, et c'est assez discret en fait. Le soutien de l'UPJB, je trouve que c'est la structure ou l'organe qui était toujours présent et qui a toujours soutenu les sans-papiers dans toutes les phases, en toutes, voilà, d'une manière un peu, d'une façon, je dirais plus, allez, je sais pas comment qualifier, il y a de l'humilité, il y a beaucoup de, sans demande de retour, sans, ce qui n'était pas le cas avec d'autres groupes, mais bon, c'est pas le but de dire de parler des rapports aussi, je dirais, négatifs en fait, entre groupes de soutien et groupes de sans-papiers. Mais bon, je peux aussi citer quelques exemples en fait de rapports qui étaient un peu compliqués ou qui posaient problème, mais je préfère aller directement à l'essentiel. Je crois qu'il y a eu et il y a toujours un problème de conception en fait de rapport entre groupe de soutien et groupe de sans-papiers. On n'a jamais clarifié le rôle des uns et des autres et on a toujours vite poussé à la confusion. Je ne sais pas, peut-être par... allez, est-ce que c'est voulu... comment dire ça? Est-ce que c'est par calcul? Est-ce que c'est par... comment dire ça? Naïveté? À mon avis, il y a les deux. À mon avis. Peut-être que je me trompe. Ces rapports n'ont jamais été clarifiés. On a souvent imposé, en fait on ne peut pas imposer la logique des collectifs de soutien, on la calque, on essaye de la calquer au groupe de sans-papiers, ce qui est impossible en fait. C'est deux logiques très différentes. Et les questions posées ici, je peux répondre d'une façon en tant que sans-papier et je répondrai très différemment en tant que soutien au sans-papier. Pour moi, le sans-papier ne peut être que pragmatique. Et il sera toujours pragmatique. Il cherche quoi ? Avoir les papiers. Avoir des papiers, point à la ligne. Et ce point, voilà, parce que j'entends dans le milieu du soutien, ah oui, le problème, c'est que dès qu'ils ont leurs papiers, ils partent. Ils ne s'impliquent plus. Ça, c'est le problème. J'ai pris mes distances aussi, bon, voilà, parce que pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, parce que les choses se répètent. Et voilà, c'est pas... Ça n'a pas de répéter les mêmes erreurs et pour revenir, alors que le fond du chose, voilà, on recule. Voilà, en tout cas, oui, on ne peut pas demander au sans-papier. Le sans-papier n'est pas nécessairement un militant. Peut-être oui, peut-être non. Pourquoi pas, si c'est... Oui, mais... En tout cas, ce que j'entends, mais je ne m'implique plus depuis pas mal de temps, donc je suis de loin. Et ce que j'entends, ce que je lis de temps en temps, quand j'ai le temps, mais je trouve que c'est, ça rate un peu. C'est pas ça. Il faut ramener le débat à sa vraie dimension, qui est, voilà, clarifier d'abord les rapports et les questions que nous, on se pose, soit ne se pose pas dans un groupe de sans-papiers, soit se pose différemment. La même chose pour le mode d'organisation. Comment les groupes de soutien s'organisent, les sans-papiers, c'est autre chose, c'est un autre mode d'organisation, et on ne peut jamais le définir clairement. En fait, ça dépend du contexte, ça dépend du groupe, comment il est constitué, comment... L'exemple soulevé tout à l'heure par... j'ai oublié ton prénom. Philippe, je le trouve très important, en fait. C'est l'action la plus riche que j'ai suivie ici en Belgique. C'est l'action des Afghans en 2003, l'été 2003. Pourquoi pour moi, elle est très intéressante et donne beaucoup d'enseignements. D'abord, les Afghans n'ont demandé l'avis de personne, n'ont consulté personne. Entre eux, ils viennent, même le prêtre, le curé, il n'était pas là, il était en congé. Ils viennent, c'est plus 300 aidés, ils occupent l'église. L'associatif institutionnel débarque parce qu'il est envoyé par le politique. Ils épuisent leurs cartouches au bout d'une semaine. Ils ont fait plein de tentatives, ils ont essayé de faire des promesses. Les Afghans les ont refusées. C'est entre eux. À 10 heures du soir, l'église est fermée. Ils tenaient leur assemblée, ils décidaient eux-mêmes, sans aucune intervention de qui que ce soit, en sachant que voilà, c'est l'Afghanistan, c'est un pays assez, c'est très tribal. Et je suppose que c'est voilà qu'il y a plein de que ça, ils viennent pas tous de la même tribu, mais ils ont géré entre eux avec leur mode organisationnel, avec leur chef et leur. On peut pas nous avec notre regard occidental, leur dire, ouais, c'est quoi votre mode organisationnel? Vous avez des chefs, des ceci. Ça, c'est déjà, on est déjà dans un. Là, c'est le rapport colonial, direct. Voilà. Comment dire, pour cette action-là, les choses se sont passées de cette façon-là. Eux géraient, comment dire, ont leur propre organisation. Ils ont demandé l'avis à personne. L'associatif institutionnel a vite vidé ses cartouches. Et une dynamique dans le quartier s'est déclenchée. Ce que Gérald disait tout à l'heure, en fait, ça dépasse. Il y avait une dynamique de soutien dans le quartier autour, des commerçants qui venaient donner ce qui leur restait, qu'ils n'arrivaient pas à vendre, des gens qui venaient prendre la lessive de telle ou telle famille et le lendemain la ramener propre, des gens, un groupe qui s'est constitué, qui s'occupait des enfants, des animations pour les enfants à l'extérieur, ça soulageait les parents, ça leur laisse, voilà. Là, comment dire, ça c'est du soutien qui donne comme résultat que les parents sont un peu mieux pour gérer leur combat, ce qui a donné le résultat. En fait, c'est l'accumulation de beaucoup de facteurs dans ces détails-là. Et sur ça, en fait, une des questions posées aussi sur la question de l'humanitaire. L'humanitaire, en tout cas pour les sans-papiers, les sans-papiers ont besoin de l'humanitaire. Pas un problème avec ça. Ont besoin de l'humanitaire. Ça pose problème pour des gens qui ont, voilà, je ne sais pas, idéologiquement, politiquement, ouais, c'est de l'humanitaire. En tout cas, le sans-papier a besoin, n'a aucun problème avec... a besoin de soutien, oui, d'ordre politique, et ça, mais aussi de l'humanitaire, des gens qui viennent soutenir les sans-papiers à ce titre-là, que humainement, pas plus. Donc ça pose, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, les questions se posent différemment et les réponses ne peuvent que être très différentes. Il faut d'abord passer par reconnaître ces différences-là et faire la part des choses pour pouvoir créer des liens qui peuvent faire avancer les choses comme nous le souhaitons tous. Ok. Moi, ce que je propose juste, et on voit ça, c'est de faire une ou deux interventions, puis de faire une pause, parce qu'il faut arrêter le local, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses, donc je propose qu'on prenne une ou deux interventions qui viennent nourrir ça, et après on fait un peu une pause rapide de 10 minutes. Je voulais rebondir sur ce que disait Mohamed, quand il parlait de l'ambassade de l'ambassade universelle, où dans ce spectacle se mêlaient schengeniens, non-schengeniens, ou non-schengeniens en passe de devenir schengeniens. Et par rapport aux différences de position, les rapports des uns et des autres selon leur appartenance au schengenisme ou pas, il y a quelque chose de très beau dans cette expérience, puisque dans le travail de répétition, de création, et après lors des représentations de ces spectacles et dans le feedback qu'on pouvait avoir de ça, tout le monde était au même niveau. Il n'y avait pas à se justifier par rapport à une situation administrative, par rapport à une appartenance politico-syndicalo-idéologique ou que sais-je. C'était juste l'envie ensemble de produire un spectacle de qualité où les thèmes n'étaient vraiment pas légers de ce qu'on pouvait aborder pendant le spectacle. On pouvait être même dans le lourd. Et que finalement, ça s'est fait dans un cadre d'une célébration. Ça s'est fait dans un cadre festif et joyeux. Et cette dimension-là, voilà, je l'ai pu la retrouver à gauche, à droite, par-ci, par-là, à d'autres moments, dans le cadre aussi de collaboration entre groupes schengeniens et non-schengeniens. Mais là, on avait touché un truc qui était vraiment joyeux. Là-dessus, on fait une pause. Comme les tours de parole ont été plus longs et heureusement plus longs que prévu, on n'en est qu'à la petite moitié de la première partie. Je propose qu'on fasse une pause relativement courte, 10 minutes, le temps de fumer une clope, il y a des sandwichs là-devant et des boissons. Et il y a également des bières. On manque de gobelets malheureusement pour le thé. Il y a un chapeau qui tourne ici, il y a une centaine d'euros qui a été investi pour les sandwichs, les boissons et tout. Et donc, puisque on a tous certains relents communistes, j'invite à les faire exister dans cette casquette. On l'a perdu de vue. Si quelqu'un là devant lui peut continuer à faire circuler jusqu'à ce qu'elle revienne par ici. Elle a l'air d'avoir disparu. Elle est là. Okay. Donc on poursuit un peu l'ordre chronologique qu'on s'était fixé. Et là, la parole est aux quelques personnes qui ont envie de parler autour du vrai Axi Comitate. Vluchtingen Axi Comité. Vous ne l'avez pas dit la première fois. Bon. C'est moi ? Très bien. Allez. D'abord, je vais essayer de parler en français, mais ça sera avec beaucoup de fautes. Comme c'était annoncé, j'étais du VAC, du Vluchtelingenactiecomité, le comité d'action pour les réfugiés. C'est une organisation qui a existé pendant 10 ans à l'université de Gand. D'abord, je voudrais dire que beaucoup de choses que je voulais expliquer ont déjà été mentionnées, donc je ne vais pas répéter des choses, ça dure déjà assez longtemps. Mais je veux commencer par dire que je suis assez heureux de voir beaucoup de visages connus qu'on a croisés pendant des actions, pendant des interventions, pendant des occupations, que je parfois pensais qu'ils étaient disparus pour toujours, mais qu'on retrouve encore. Je pense qu'ils ont fait, ils ont apporté beaucoup sur l'expérience qu'on a vécue avec le VAC aussi, parce qu'on a toujours suivi ce qui se passait ici à Bruxelles. De proche ou moins proche, on a toujours suivi l'histoire, ce qui se passait ici. On a appris beaucoup de choses sur les choses qui se sont faites ici. Donc le VAC, c'était un comité des étudiants à l'Université de Gand. Et en général, on avait trois pistes d'action ou trois pistes d'activité. D'abord, c'était organiser ou essayer d'organiser des activités pour les étudiants de l'Université de Gand pour leur apprendre un petit peu ce qui était de mauvais avec la politique d'asile, de migration, ce qui se passait dans le centre fermé, ce qui se passait dans les parts de Belgique qu'ils ne connaissent pas. Franchement dit, il y a beaucoup d'étudiants qui ne savent pas ce qui se passe dans les centres fermés, dans les commissariats, dans l'administration même. Il y a beaucoup d'étudiants qui vont, à un instant ou à l'autre, peut-être être engagés dans une administration pareille ou être engagés dans un centre ouvert et qui vont penser qu'ils font un bon boulot. Ce qu'on peut discuter quand même. Donc pour nous, c'était très important d'avoir des activités à l'université et d'essayer de mobiliser des étudiants. Ça aussi a entraîné que chaque année, il y avait quelques étudiants qui étaient intéressés, qui ont commencé à développer leur propre activité à eux, qui ont commencé à être actifs dans des autres mouvements d'occupation, de mouvements de solidarité, comme l'Assemblée des voisins et toutes les occupations des Iraniens, des Afghans, des choses pareilles. Une deuxième partie de notre travail, c'était essayer de soutenir des mouvements sans papier. On a soutenu les Afghans, les Iraniens, mais aussi le mouvement UDEP. Toujours avec l'idée que c'était essentiel de soutenir et pas diriger des mouvements de sans-papiers. On a fait aussi des occupations à Gand. Ça s'oublie facilement qu'il y a un monde à part Bruxelles aussi. Ça peut même sembler un petit peu bizarre, mais je vois que je suis le seul représentant du mouvement néerlandophone, soi-disant. Mais il y a quand même assez de collectifs qui bougent dans le côté flamand aussi. Pas seulement le Vlaams Belang, mais aussi des mouvements qui soutiennent des Roms. Il y a eu des actions à Tienen, à Gand, autour de Tziganes Roms qui ont été expulsés en groupe. C'était un vol collectif. Et la Belgique a été condamnée pour ce vol collectif. On a essayé de soutenir ce lutte-là que les gens ont entamé pour agir contre ce vol collectif. On l'a fait avec Gasvrij Gent, ce qui veut dire bienvenue à Gand, à peu près quelque chose comme ça. Et une troisième chose qu'on a fait avec le VAC, mais je suis en train de généraliser, en tout cas c'est plus facile de dire ce qu'on a fait après quelques ans que le dire au moment même, parce qu'au moment même, j'avais l'idée qu'on faisait n'importe quoi. Et après, tu commences à structurer tout ce que tu as fait dans le passé et c'est plus facile de raconter tout ça. Une troisième partie, c'était d'essayer de créer des liens entre les différents mouvements de solidarité et de soutien entre les différents collectifs qui étaient actifs. On a passé beaucoup des heures en faisant des réunions ici à Bruxelles avec le CRAC-P, avec le CREER, avec toute la liste des organisations qui sont là. Et on avait toujours comme idée que, qu'on envisageait toujours de renforcer ce lien et de renforcer le mouvement de gens avec papier qui soutiennent les sans-papiers sans qu'ils mettent, sans qu'ils sont en train de diriger des sans-papiers pour leur propre plateforme politique, comme par exemple Vluchtelingenwerk a fait tant de fois. Je vais juste encore stresser quelques points de différence avec le collectif que j'ai noté un petit peu au long de discussions qui a dit ou au long des explications qui sont déjà passées. Donc, à Gand, on avait une propre structure. Avec le Vluchtelingenactiecomité, on avait notre propre structure à l'université. On avait notre petit groupe des activistes. On avait des étudiants qui étaient assez sympas envers nous. Et ça faisait aussi que, quand il avait des gens du Vluchtelingenactiecomité qui se sont investis dans une occupation des Iraniens, des Congolais, de n'importe laquelle, qu'ils avaient toujours aussi une structure pour se retrouver après ou pour se retrouver avec toute la frustration qu'ils avaient sur la liste qui était rétablie, sur les négociations, sur les NGO qui commençaient à récupérer tout le monde du mouvement. On avait toujours une structure pour nous plaindre entre nous sur l'absence du conscience politique générale de contre le système, quoi. Avec notre petit groupe, on avait un projet politique commun. C'était suppression des centres fermés contre toutes les déportations et en soutenant des mouvements de sans-papiers. Et pour un monde équitable, sans doute. Faisait qu'on avait un projet commun avec les activistes du VAC même. Et il y a une grande différence entre un collectif qui se rassemble autour d'une occupation, autour d'un événement qui s'est passé, une rafle ou autour d'une certaine situation. Dans toutes les personnes dans ce collectif n'ont pas le même point de vue politique. Ils sont là pour avoir des papiers pour des Afghans, avoir des papiers pour des Iraniens, agir contre les expulsions collectives, agir contre les expulsions des Roms, mais ils n'ont pas nécessairement un projet commun politique. Aussi, comme on était actif à l'université, on avait toujours un petit peu une connexion avec des nouveaux étudiants. C'était assez facile d'organiser quelques soirées d'infos, de témoignages pour attirer de nouveaux gens dans le mouvement. Ça a duré à peu près 10 ans. Il faut dire qu'après 10 ans, on avait l'impression que les nouveaux étudiants qui étaient avec nous n'avaient plus envie de passer à l'action, de mener des actions directes, et qui voulaient juste faire des soirées d'infos sans la volonté de passer à l'action. Et ça a un petit peu été la fin du Vluchtelingenactiecomité en soi. On est resté un petit peu actif dans des autres choses, mais on a dû constater que des étudiants qu'on avait attirés les dernières années, ils avaient leur propre vie qu'ils voulaient mener et qu'ils voulaient faire des choses plutôt tiers-mondistes. ils voulaient essayer de sensibiliser des gens sur le politique, mais ils ne voulaient pas passer à l'action. Donc, pour nous, c'était un petit peu le fin du VAC, comme c'était avant, parce qu'on n'avait plus le double, ou le trois facettes d'action. Il y avait un volet qui a été éliminé. C'était le volet d'action de soutenir des gens en lutte. Une chose qui est encore différente avec beaucoup de collectifs à Bruxelles, c'est qu'on n'a pas vraiment vécu de répression policière. Peut-être c'était parce qu'on était plus sage ou plus bon, moins emmerdant pour la politique, je ne sais pas, ça peut être. Ça peut être aussi que c'était une autre climat politique à Gand qu'à Bruxelles. Et ça, je voulais encore ajouter, peut-être on était plus diplomate aussi. mais on a appris beaucoup de ces événements qui se sont passés à Bruxelles, comme avec le collectif contre les expulsions. On a suivi ce procès assez bien. On était au procès, on a entendu ce qu'ils disaient. On a aussi très vite fait le choix d'essayer d'éviter des inculpations qu'on ne voulait pas. Donc, on a fait des actions de blocage, mais on n'a pas fait les actions de blocage sur la route, sur la voie publique, parce que ce sont des accusations supplémentaires qu'on ne voulait pas nécessairement avoir. Aussi, on avait un petit peu de le double face. On faisait des actions directes, mais on faisait aussi des actions assez symboliques, assez sur la publicité, sur le discours. On essayait de garder cette double face et d'avoir encore un lien avec le public des étudiants qu'on avait à l'Université de Gand. Je voulais encore dire une chose, mais je suis en train de voir si je peux encore lire ce que j'avais écrit. Je pense que c'est assez important ce qu'on fait ici aujourd'hui, parce que je vois parfois des groupes d'action qui font toujours le même mode d'action, et aussi des groupes de sans-papiers qui ont pensé assez statique du politique d'État. À un instant, on a eu des grèves de faim à peu près chaque semaine. Il y avait une grève de faim qui commençait, sans que le groupe engagé ou même le soutien a réfléchi sur l'impact et sur le politique ou la manière comment le gouvernement a réagi contre ce grève de faim. Ils ont eu toute l'idée statique, si on fait une liste, il y aura assez de pression, on fait une grève de faim et après on obtient des papiers. Mais on avait déjà bien réfléchi là-dessus dans notre petit comité. On savait que l'idée que le gouvernement ne va pas s'adapter à cette forme de pression, c'est un petit peu rigolo. Donc on a essayé de soutenir là les occupations avec les grèves fins qu'il y avait. Mais on avait toujours aussi soutenu des organisations, des autres organisations de sans-papiers comme UDEP, comme le marche de sans-papiers, parce qu'on croyait qu'il fallait plus qu'une grève de faim pour changer une politique. Et ça, c'est assez important. Je pense qu'on ne réfléchisse pas assez comme des comités de soutien, comme des comités de lutte, sur comment est-ce qu'on va changer la politique migratoire comment est-ce qu'on va changer le status quo du politique. Et je pense que ça serait une bonne idée d'y réfléchir ensemble et d'agir ensemble et de se retrouver de nouveau ensemble à des autres occasions aussi. Pas seulement dans une salle à l'université, mais aussi devant un centre fermé. Peut-être. Je pourrais juste encore rajouter 2-3 mots. Donc, pour moi aussi, comme étions dans le VAC, ce qui était bien pour nous aussi, c'est qu'on avait un aspect assez flou. C'est-à-dire, on ne s'est jamais limité à une certaine forme d'action, ni à une certaine manière d'agir. On était beaucoup plus, on savait s'adapter aussi à des circonstances. Et on avait appris aussi qu'il y a de différentes manières de lutter. Et comme comité d'action, mais aussi comme des comités de sans-papiers qui sont en lutte, ils ont souvent le même réflexe de faire agir que selon une certaine façon qu'ils connaissent. C'est-à-dire on occupe un lieu, on entame une grève de faim, ça se passe maintenant de nouveau avec les Afghans. Et l'expérience à Gans, c'était qu'on n'a pas eu besoin de grève de faim pour avoir des papiers. On a eu 4 occupations à Gans, si je me trompe pas. Mais il y avait eu beaucoup moins de grèves de faim à Gans. Il n'y a pas eu de grève de faim à Gans. Et ça n'a pas empêché d'obtenir des résultats périodiques, juste comme ici avec les grèves de faim. Et le même avec le fonctionnement du comité, du Vluchteling Action Committee, on était assez flou. Ça veut dire qu'on menait des actions dans de différents niveaux, dans de différentes formes. On a toujours cherché aussi d'avoir une connexion avec les autres associations à Gans. Et ça faisait par exemple, s'il y avait un prêtre dans une église qui était occupée, il y a la sécurité d'État qui lui dit qu'il faut faire gaffe avec les gens de VAC, qui il dit aux sécurités d'État, mais je ne vous fais pas de confiance parce que je connais ces gens, ils sont tous des gens très bien et ils n'avaient pas de moyen d'avoir de pression sur nous. Et je pense que cette ambiguïté dans notre. De façon qu'on pouvait adapter les différents modes de lutter, ça a toujours été un atout qu'avec le VAC on a même eu. Juste ce que je veux encore rajouter. J'étais de nouveau à. Je pourrais de nouveau lire ce que j'avais encore écrit. Donc. ce qui me semble assez intéressant, c'est de réaliser que la lutte ne se limite pas seulement à Bruxelles. Et par exemple, l'occupation des Iraniens. Il y avait une occupation ici à Bruxelles. On était ici, on a vu la situation et on avait pris contact avec les Iraniens à Gans. On a fait des occupations à Gans. Ça a fait que le mouvement grandissait, que la côté flamand du presse était mobilisé pour une cause. Et ça donnait une nouvelle énergie aux occupations et au mouvement des Iraniens. Parfois, j'ai l'impression un petit peu que des mouvements à Bruxelles pensent que le monde finisse et commence à Bruxelles. Et c'est un petit peu dommage parce que quand on voit les 3/4 des centres fermés sont à la côté flamand, les ministres, les 3 derniers ministres de l'affaire interne était flamand. Donc, n'oublie pas d'aller plus loin que votre propre bled. Je veux quand même ajouter un truc, parce que tout à l'heure, on a parlé du collectif de l'exposition, mais à l'époque, il y avait 4 collectifs. Ouais. Donc, il y avait le collectif de Liège, il y avait des gens de Leuven, il y avait des gens de Gans. Ouais. Et effectivement, la plupart des choses se faisaient à Bruxelles. Parce qu'on s'était concentré sur le 127 bis, parce que les infos venaient de Zimira Adamou, enfin, c'est principalement, ça s'est fait comme ça. Mais il y a eu aussi des choses à Liège, parce que le centre de Votem était en construction, en fait, n'était pas, c'était le premier de Wallonie. Et, donc il y avait un enjeu quand même à ce niveau-là. Mais donc on a à chaque fois fait ça, ce que je pense qu'il n'est plus arrivé, effectivement, et ce qu'on on fait pas assez attention à ça. Mais on a fait ça à chaque fois avec et des Liégeois et des Flamands, de Gand, de Leuven. Donc il y avait quatre collectifs, en fait, qui se regroupaient lors des actions. C'est ça qui nous permettait d'être nombreux, quand même, je crois. Oui, à propos du VAC, je voudrais dire que c'est très courageux ce qu'ils ont fait pendant 10 ans, parce que pour nous, ici à Bruxelles, c'est assez facile d'avoir autour de nous une partie de l'opinion publique francophone qui est en fait antiraciste. Même si c'est à des degrés divers, pas toujours aussi radicalement que nous le sommes. Mais il y a une opinion publique antiraciste qui soutient les sans-papiers et qui est assez facile à mobiliser. Tandis qu'à Gand, c'est vraiment le désert de ce point de vue-là. Le VAC était très isolé, même s'ils n'ont pas été criminalisés comme nous. Ils ont été fort isolés de l'opinion publique, parce que le mainstream de l'opinion publique flamande, c'est pas ça du tout, et c'est pas pour rien que la plupart des ministres de l'Intérieur ou de l'Immigration sont des Flamands aussi. C'est juste, en fait, j'avais oublié un point important que je voulais rajouter tout à l'heure, que je trouve très important. Peut-être, je sais pas, Gérald, est-ce qu'il... Est-ce qu'ils partagent ça ou pas? En fait, un des points de frustration aussi les plus importants qui ont contribué à la fin du projet de l'ambassade universelle, le projet commun, c'est qu'on est arrivé au bout de 4 ans, 5 ans, à ce qu'on voulait éviter depuis le départ. C'était clair dans notre tête depuis le départ qu'on voulait éviter les rapports d'assistanat. Et au bout de 4 ans, 5 ans, on arrive, les gens, les occupants, nous demandaient de continuer à nous assister comme avant. On n'a pas réussi à déblayer cette question. Pourquoi on est arrivé exactement à ce qu'on voulait éviter? Je crois que c'est un des facteurs principaux qui ont amené à ce que le projet s'est cassé la gueule. Sur la question, juste un petit mot sur la question de la répression. À l'ambassade universelle, on l'a vécu différemment, en fait. Il y a eu une descente des flics. La plupart des occupants ont été emmenés au commissariat, assez violemment. C'était un truc hyper humiliant et assez violent. Mais en fait, le résultat de cette violence, comment dire, ça a renforcé, en fait, l'ambassade. Ça a renforcé les gens, ça a renforcé le projet. Ce qui n'est pas le cas pour les groupes de soutien. La répression les a affaiblis. Les témoignages qu'on vient d'entendre, c'est ce que ça veut dire, en fait. Et c'est là aussi, il y a une différence, en fait. Les choses se vivent différemment et on doit avoir un regard différent d'une situation, une situation de sans-papiers, d'une situation d'Européens qui arrivent ici, des gens qui viennent d'ailleurs. C'est un autre. Je peux aller loin, des fois je dis que c'est. Il y a aussi une question d'architecture mentale différente et de rapport avec les choses assez différent. Je crois, en fait, je suis sûr que c'est quelque chose de. C'est une réalité. Si on ne la prend pas en considération, on rate beaucoup de choses, en fait, dans les rapports qu'on essaye d'installer avec l'autre. Est-ce qu'il y a encore un ou deux apports supplémentaires du VAC? Je voulais souligner. Il y a eu mention du fait. Allez, vous avez parlé de plusieurs occupations qui s'étaient faites à Gand, sans grève de la faim. Et qui avait permis aux personnes d'obtenir leurs papiers. Oui. C'était la même situation que partout en Belgique, sauf qu'ils n'ont pas eu une grève de faim. Ce qu'on a avec le VAC quand même, je pense qu'on a réfléchi sur ça aussi. Qu'est-ce qui se passe avec, quand il y a un grève de faim? C'est une dynamique qui est en soi pour nous, à ce moment, on l'a jugé toujours contre-productif. C'est-à-dire c'est une violence, qui a, c'est une frustration, c'est une action qui agit vers ton propre corps, vers toi-même. Et pour ce qu'on a vécu à Gand, je pense, c'est qu'il n'y a pas vraiment... Il y a moyen pour faire des actions à côté de faire une action qui implique un péril pour toi-même, ton corps. Et ils n'ont pas obtenu plus, ils ont pas, je pense pas qu'ils ont obtenu moins que les gens qui ont fait une grève de faim. Mais c'est surtout que dès qu'il y a... On entre dans une sorte de dynamique où dès qu'il y a une occupation, il y a tout de suite une grève de faim et tout de suite on est dans une procédure qu'on connaît tout très bien. Qu'après un certain nombre de jours de grève de faim, ils commencent à s'enfermer, ils commencent à faire des listes et je sais pas quoi. Et je pense que c'est bien aussi de réfléchir sur cette mode, sur cette procédure. Maintenant, quand on voit avec l'occupation, si je ne me trompe pas, c'est des Afghans maintenant qui sont en train de... Ils ne sont pas en grève de la faim. Non, ils ne sont pas en grève de la faim. Mais c'est... Encore. Mais c'est bien de déjà réfléchir aussi sur quand il y a des occupations, pourquoi il y a toujours une grève de faim qui est entamée avec une illusion que ça va changer la politique. Ce que je voulais dire, c'est que... Moi, j'apprécie beaucoup et j'ai beaucoup apprécié votre manière de faire. Et je suis content que vous souligniez ce fait qu'il y a une possibilité pour des gens de l'exoccupation sans grève de la faim. Si on revient à l'été 2003 avec la grève des Afghans, la grève de la faim de certains des occupants afghans à l'église de la Sainte-Croix, la pression médiatique a fait qu'à un moment, via le médiateur fédéral, un accord a été fait. Mais la traduction concrète de cet accord n'a été possible parce que, grâce à un comité de vigilance composé de juristes et d'une dentiste qui ont suivi tous les dossiers. Ah oui. Dentiste qui n'a jamais voté PTB toute sa vie, j'en suis sûr. C'est blague, hein. Et que c'est grâce à ces personnes que finalement, les personnes ont eu leur papier. S'il n'y avait pas eu cette vigilance, les gens auraient tapé 3 semaines de grève de la faim juste pour créer un espèce de buzz médiatique, et puis ce serait tombé. Et que finalement, suite à cette grève de la faim, l'impression médiatique qui a été donnée, c'est « Ah bah ouais, on tape 3 semaines de grève de la faim, c'est bon, on a les papiers. » Et qu'il y a eu une répétition de ce schéma, ça s'est passé ici, ça s'est passé avec des Kurdes, ça se passe rarement avec des gens d'Afrique centrale, ça se passe quand même plus souvent avec des personnes qui viennent... venir d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient ou de régions, allez, Pakistan, Afghanistan, ces coins-là du monde, j'ai l'impression. Où les formes de grève de la faim sont plus radicales vers l'Est, en tout cas. Mais qu'à un moment, moi j'ai entendu parler d'une grève de la faim où les gens ont tapé 60 jours de grève de la faim pour avoir 3 mois de papier. Waouh. Enfin, si on fait la balance, je ne sais pas, au final. Enfin, ce n'est pas mon corps, donc... Mais ça me laisse un peu perplexe. Et donc, ça pour dire, on est dans une après-midi d'échange autour de pratiques ou de modes de soutien. Et voilà, enfin, la Flandre, c'est 60% de la Belgique. Je crois, allez, en termes d'action, c'est bon aussi de s'inspirer de ce qui a pu se faire en Flandre et ce que le VAC a fait aussi. Hein. Vous pouvez vous déplacer le micro, comme ça on entend plus bien. Juste une remarque par rapport aux grèves de la faim. Je ne pense pas que ça soit programmé par les comités de soutien. Hein. Je ne pense pas du tout. Ce sont des demandes qui émanent des personnes qui vont les mener. Et très souvent, on les décourage. On dit, écoutez, on reste à vos côtés, mais c'est une action qu'on ne soutient pas en tant que telle et tout ça. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est programmé de la part des soutiens. Enfin... Je pense qu'il ne faut pas transformer et dire que les soutiens viennent comme mode d'action suggéré une grève de la faim. C'est les personnes elles-mêmes qui le font. Je sais que ça s'est vu, mais bon. Le soutien peut avoir un autre rôle que le simple rôle de soutenir. Et ça, je veux dire. Et qu'en termes... En terme